Les amours ont toujours les mains douces sur la peau comme l'eau des étangs. Quand la nuit donne au lit la secousse qui nous berce à la verse ou au vent. Mon amour, quand le jour nous ranime, j'ouvre l'œil et te cueille un bouquet. Quand l'alcool des paroles fait la rime, on s'y saoule, on s'y coule, on s'y plaît. Quand l'amour nous entoure et se donne, nous jetons sa chanson comme un sort. Ses filets, ses couplets qui résonnent, c'est tout bac qui nous plaque ses accords. Les amours ont toujours les mains douces et terrain, ça veut bien les trouver. Quand le vent se détend sur ta mousse, te pliant comme un grand peuplier. Les amours font un jour un naufrage et la mer prend ses airs de grandeur. Tout là-haut va le flot des nuages et j'oublie tout blotti sur ton cœur.